إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans la lecture du livre des questions et réponses qui ont été posées au Cheikh Ubayd al-Jabiri qui ont été nommées Al-Hadd al-Fasil bayna mu'amalati ahl al-sunnati wa ahl al-batil, c'est-à-dire la ligne qui tranche entre l'attitude qu'on doit avoir envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté. Hein? Et il y a d'autres questions, tout ça c'est relié à ce sujet dans le livre. Donc il y a plusieurs questions. Le livre en tout est composé de 27 questions. Donc inshallah, on est rendu aujourd'hui à la question numéro 3. Le cheikh, on lui a posé la question suivante: Jazakumullahu khayran, ahsanallahu ilaykum. Sa'ilun akhar يزيد تأكيدا على السؤال السابق ويقول: هل يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا كالتجارة، حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك ويقول: أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية؟ نعم. Donc ça c'est une question qui a un lien direct avec certains problèmes qui se passent actuellement parmi les salafiyins et parmi certains qui se prétendent parfois être sur la salafia et qui ont des comportements parfois qui sont bizarres ou douteux envers les salafis et envers les gens de bid'a. Hein, on a expliqué au dernier cours à l'introduction que ces questions-là sont des questions qui nous aident à comprendre et à éviter les extrêmes dans la question du comportement et de l'attitude par rapport aux égarements et aux extrémismes des Ahlul Tamir, des gens du Tamir, c'est-à-dire ceux qui veulent dissoudre la pureté de la salafia et se rapprocher des gens de bid'ah et les traiter comme s'ils faisaient partie de Ahlul Sunnah wal Jama'a. Donc ils veulent laisser de côté les principes et les paroles des salaf al-salih à propos de la façon dont on doit agir envers les gens de bid'a. Donc ils veulent laisser ça de côté et dire: c'est pas grave, on est tous musulmans, on est tous de Ahlul Sunnah wal Jama'a, peu importe. Donc pour eux, les Ikhwan sont de Ahlul Sunnah, les Tablir sont de Ahlul Sunnah et les autres groupes et les autres tendances, tout ça, ça fait partie pour eux de Ahlul Sunnah. Même les Takfiriyah sont pour eux sont des gens qui font partie d'Ahlul Sunnah. Il ne faut pas faire de distinction, il faut accepter tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé des choses, des dictons ou des dictons et des règles qui se rapprochent à la règle des Ikhwan. Dans la règle des Ikhwan, c'est dit que on travaille tous ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on s'excuse sur les choses dans lesquelles on diverge. Et donc ils ont inventé des règles semblables, mais formulées différemment pour en fait tromper les gens, pour arriver au même résultat que les Ikhwan. Donc ils disent qu'il faut suivre un manhaj qui est large et qui inclut tout le monde. Il ne faut pas être exclusif. Et certains, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils disent les salafis inclusifs et les salafis exclusifs. Ceux qui veulent exclure les autres. Et les salafis qui veulent inclure tout le monde. Donc ça, c'est une autre shubha, encore une fois. Et puis, il y a les, ce qu'on appelle al-haddadiyya. Ça, c'est l'autre extrême des gens du tamir qui, eux, ils traitent les ulama et les imams d'Ahl al-Sunnah comme des gens de bid'ah. Et ils les dénigrent. Et ils parlent d'eux sans aucun respect. Ils parlent d'un imam parmi les imams d'Ahl al-Sunnah. Ils parlent de lui comme si c'était un homme qui se tient au coin de la rue. Comme s'il n'avait aucun respect par rapport à ce qu'il a fait pour la da'wah ou pour l'islam. Juste parce que, selon eux, ils ont fait une erreur dans une question quelconque. Donc ils les traitent comme si c'était n'importe qui, n'importe quelle personne, sans aucun respect, comme si c'était le pire des innovateurs. Donc ça, c'est l'attitude des voyous, des haddadiyya, qui n'ont aucun respect, ou ahlul ilm, qui font partie des imams de la salafiyya et de la sunna. Donc ils traitent, par exemple, Cheikh Al-Albani, il le traite de murji. Cheikh Ibn Baz, il le traite de murji. Et d'autres également parmi les grands ulama d'Ahl al-Sunnah, ils vont les traiter de toutes sortes de noms et ils vont les dénigrer. Donc ça, c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres comme ça aujourd'hui. Donc, on continue avec la question suivante. La question numéro 3, comme je l'ai lu en arabe, c'est la personne qui pose la question. Il dit « Jazakumullahu khayran » que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse du bien. Et l'autre question, c'est pour confirmer la question précédente, parce qu'en fait, cette partie de la question, elle était présente à la fin de la question précédente, mais comme le cheikh, il va le dire, il y en a qu'il avait lui-même oublié de répondre à la dernière partie de la question, donc il va clarifier. Le cheikh, il dit, ou bien plutôt la question qui est posée, c'est, est-ce qu'il est permis d'interagir avec les hizbiyyin dans les questions de la dunya, comme le commerce, par exemple? Parce qu'il y a certains jeunes qui disent, il y a certains jeunes qui font cela. Ils interagissent dans les affaires du commerce, le business, avec les hizbiyyin. Et ils disent, moi, j'interagis seulement avec eux dans les questions de la dunya. Et on voit ça souvent. Quand c'est le temps que quelqu'un, par exemple, quand il a un commerce, eh bien, il agit gentil avec tout le monde. Et il veut se rapprocher de tout le monde, soi-disant pour attirer plus de clientèle, pour avoir plus de clients. Donc, lui, parce qu'il est un businessman ou parce qu'il est un commerçant, eh bien, il oublie les principes de son manhaj, il oublie les principes de sa aqidah, et il va chez les hizbiyin, chez les ikhwan et chez les autres, et il essaie de les rapprocher juste parce que c'est pour son commerce. Donc, il dit, moi, je dois vendre à tout le monde, donc il faut que je me rapproche de tout le monde pour faire du commerce. Donc, la question, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui agissent comme ça et ils disent « Moi, j'agis seulement avec eux dans les questions de la dunya, dans les affaires de la dunya. » Donc, le cheikh, il dit « Aqul, in istata'tum an tuba'idu al-mubtadi'a, fala tusharikuhum fi ayyi nashatin dini ou dunyawi faf'alu. » Donc, le cheikh Ubaid, il dit « Si vous êtes capable de vous éloigner des mubtadi'a, de sorte que vous n'allez avoir avec eux aucune participation, aucune activité ni religieuse, ni dans la dunya, alors faites-le. Si vous êtes capable de vous éloigner complètement d'eux et de ne rien partager avec eux dans les activités, dans les efforts, que ce soit dans la religion ou dans la dunya, alors faites-le, c'est-à-dire écartez-vous d'eux complètement. Amma al-nashat al-dini yusammunahu al-nashat al-da'wi al-da'wa fala tumakkinuhum فلا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعة ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة أبدا لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبا. Donc ça, c'est clair ici, le cheikh il dit, en ce qui concerne les questions de la religion, c'est ce qu'ils appellent le travail de da'wah, les efforts de da'wah, les activités de da'wah. Il dit, ne leur permettez pas, de faire ce genre d'activité avec vous. et ne faites aucune activité de ce genre avec eux, et ne les aidez pas à construire des mosquées par lesquelles ils vont propager la bid'ah, ou dans lesquelles ils vont propager la bid'ah. Ne les aidez pas non plus dans leurs écoles dans lesquelles ils propagent la bid'ah, et ne les aidez pas non plus à publier des livres dans lesquels ils vont propager la bid'ah. Jamais. Hein? Parce que celui qui les aide à faire ça et qui connaît leur situation et leur état, il est comme eux, qu'ils le veuillent ou non. Hein? Qu'ils le veuillent ou non. Donc ça c'est très clair, ça nous met des règles très claires. Il y a des gens qui disent, ah mais les hizbiyyin, ils ont des mosquées, la mosquée c'est pour Allah, on va prier dedans, donc il faut aider les jeunes bid'ah, même s'ils vont propager par la suite. Qu'est-ce qui combat là, sunna, et qu'est-ce qui combat, il y en a les principes de Ahl Sunna et de la Salafia, ils vont collaborer avec eux, ils vont les aider avec eux, ils vont donner de l'argent. Donc le cheikh dit, ici c'est des mosquées qui propagent la bid'ah. Hein? Que ce soit les bid'ahs des Ikhwan, ou les bid'ahs de Takfir, ou les bid'ahs de Ahbash, ou les bid'ahs des Khawarij, ou les bid'ahs de Tablir, ou de Diobandiya, ou des Maturidiya, ou des Ash'ariya, ou bien d'autres bid'ahs, peu importe. Hein? De Al-Adl al-Ihsan, au Maroc, ou d'autres. Yani, vous ne les aidez pas. Hein? Vous ne collaborez pas avec eux. Et de même que les écoles, hein, c'est rempli. Souvent, les hizbiyens sont forts là-dedans, hein, d'ouvrir des écoles soi-disant islamiques, hein, qu'il n'y a aucun islam dedans, ou il n'y a presque pas d'islam dedans. Ils les appellent islamiques juste pour le nom. Hein, ils mélangent les hommes et les filles, les garçons et les filles dedans. Il y a toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam dedans, mais ils leur donnent quand même le titre d'islamique. Et on se demande pourquoi parfois ils l'appellent islamique. Donc, dans ces écoles, ils vont propager la bid'ah. Tu n'as pas le droit de les aider dans ces écoles-là. Même pour publier des livres. Hein, ils disent, oh, mais ça, c'est des livres pour la da'wah. Non, tu les aides pas à publier des livres s'il y a de la bid'ah dedans, et si c'est des livres de bid'ah. Celui qui les aide, comme le cheikh il dit, et qui connaît leur état, eh bien, il est comme eux, qu'ils veuillent ou non. En ce qui concerne les choses de la dunya, le cheikh il dit, wa amma al-umur ad-dunyawiyya, فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك فيكون الرجل منكم محصنا تحصينا قويا في العقيدة الصحيحة وتحصينا قويا في السنة وتحصينا قويا في الحذر من البدع واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء فلا مانع على أن يكون ذلك بقدر الحاجة وليحذر من المخالطة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أيكم من يخالل أو فلينظر أحدكم من يخالل فهذا أمر خطير فكم من رجل جرفته الأمور حتى انسلخ وأصبح إما عدوا للسنة وأهلها أو ميت الغيرة ليس فيه ولا ولا براء. Donc le cheikh il répond, il dit, en ce qui concerne les questions de la dunya, questions dunyawiyya, dans cette catégorie-là, si tu dois interagir avec les gens de bid'a et les gens de hizbiyya, le cheikh il dit, ça c'est lorsque vous avez besoin d'interagir avec eux dans les affaires de la dunya, eh bien il faut qu'un individu qui fait ça soit bien protégé. Très fortement protégé dans sa aqida, avec une aqida qui est propre, qui est bonne, qui est authentique. Qu'il soit bien protégé, fortement protégé dans la sunna, avec la connaissance de la sunna. Et fortement protégé également dans le fait de se préserver, hein, et de prendre garde et de faire attention aux bid'a, hein, aux différentes innovations. Et s'il a besoin d'interagir avec ces gens-là, il n'y a aucun empêchement. Il n'y a aucun empêchement. Hein? Mais il faut que ce soit uniquement selon la mesure, dans la mesure du besoin. Dans la mesure du besoin et de ce qui est nécessaire seulement. فَلْيَحْذَرْ مِنَ الْمُخَالَطَ. Donc qu'il fasse attention de ne pas se mélanger avec eux et de commencer à les fréquenter et de les côtoyer. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'homme est sur la religion de son ami proche. Alors qu'il fasse attention, que l'un d'entre vous fasse attention, hein, et prenne garde de qui il prend comme ami. De qui il prend comme ami. Donc, combien de gens comme ça, le cheikh il dit, combien de gens, il dit, le cheikh il dit ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Combien de gens qui étaient sur la sunna, puis que ces choses-là, les affaires de la dunya, les ont complètement enlevées, faites sortir complètement de la sunna. Et qui sont devenus par la suite des ennemis de la sunna et des gens de la sunna, ou bien, s'ils ne sont pas devenus des ennemis, eh bien, ils sont devenus complètement comme des morts, comme des gens qui n'ont plus de ghayra, qui n'ont plus de jalousie pour la vérité, plus de jalousie pour la sunna. Hein? Et ils n'ont aucune wala et aucune bara. Hein? Ils détestent pas pour Allah et ils n'aiment pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'aiment pas les gens de la sunna pour Allah et ils ne détestent pas les gens de la bid'a pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme il y a un frère dernièrement, c'est quelqu'un qui commence à approcher, à comprendre bien les principes de la sunna, mais malgré tout, c'est comme s'il pense qu'il a l'espoir de ramener encore ces gens-là vers la vérité. Donc, il essaie de leur parler pour les faire comprendre, alors que des fois, c'est des gens qui sont dans les égarements depuis des années et des années. Donc, le frère dit, « Ah, moi, je commence à détester ces gens-là. Hein, je commence à détester ces gens-là, des gens de takfir, des gens qui n'ont aucun respect pour les gens d'Ahl Sunna, ou le Jama'a. » Eh bien, la personne dit, « Ah, moi, je commence à détester ces gens-là. » J'ai expliqué au frère, j'ai dit, « C'est une obligation religieuse que de détester ce genre de personnes. » C'est une obligation religieuse que de détester ce genre de personnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui contredisent et qui opposent la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, naam. Ensuite, le cheikh il dit, فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَتَعَامَلْ مَعَهُ بِأَن تشغله عندك وتكون أنت المشرف وأنت الناظر عليه فهذا لا شك أنه أسلم وإن احتجت أن تعمل معه وإن احتجت لأن تعمل معه وهناك أمور بليت بها في التجارة فاحتجت إلى العمل معه فلتحذر فلتحذر ولتكن معاملتك ولتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط خذ دينار واعطي دينار فقط هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين ou un nashat da'awi. Le cheikh il dit, si tu veux interagir donc avec lui, avec ce genre de personne, eh bien, comme le cheikh il dit, tu le fais travailler par exemple chez toi, et c'est toi qui vas être son responsable, toi qui vas être son patron, tu regardes ce qu'il fait. Donc ça, c'est sûr que c'est plus sécuritaire. Si tu as besoin d'interagir avec lui, puis il y a des choses, dans lesquelles tu as eu des épreuves, dans le commerce, t'as besoin de quelqu'un, et donc tu dois travailler avec lui, alors, fais attention. Et il faut que tes interactions avec lui soient uniquement des interactions de dunya seulement. Tu prends un dinar, tu donnes un dinar. Seulement. Tu prends ton argent, tu donnes ton argent, c'est fini. Et tu ne dois pas commencer à entrer avec lui dans les interactions puis des choses comme ça. Parce que le fait d'interagir avec lui et de rentrer avec lui dans les interactions, des choses de ce genre, eh bien, ça peut t'amener à tomber dans des questions de religion et de travailler par la suite pour des questions religieuses. C'est comme, par exemple, il y en a qui disent, ah, mais des questions comme par exemple, il y a des associations, c'est des associations soi-disant humanitaires. Hein? Ça, c'est quelque chose que je rajoute par rapport à ce que le cheikh a dit. Hein? Des associations humanitaires, ils font juste aider à faire des puits ou à faire des trucs comme ça quelque part dans le monde. Hein? Il y a pas de, c'est pas religieux. Hein? Mais pourtant, tous ces gens-là, par exemple, dans certaines associations, c'est des gens comme des gens qui sont reliés à des hezbiyyin et qui font la propagation ou la promotion des gens de hezbiyyin et des gens de bid'a, des gens de takfir et d'autres. Hein? Ils disent, on va juste aller creuser des puits quelque part. Yani, subhanallah. Mais derrière ça, il y a toujours d'autres projets, il y a toujours d'autres plans. Ça, c'est peut-être un projet actuellement. Tu sais pas dans quelques années qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet, hein, et qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre objectif une fois que les gens, parmi ces gens de Bid'Allah, ont réussi à prendre la confiance des gens. Et bien là, ils se sentent plus en confiance. Maintenant, ils vont commencer à faire d'autres choses, hein, et utiliser cet argent-là pour faire d'autres projets pour la religion par la suite, hein. Et puis, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Ils vont peut-être faire la promotion justement pour combattre la Sunna et faire avancer la bid'a et la hezbiya. Donc le musulman doit faire attention. Hein? Je me rappelle à l'époque, yani, quand les djihadis et les gens de takfir, ils disaient on ramasse de l'argent pour les orphelins, on ramasse de l'argent pour les veuves et les orphelins. Et ils prenaient l'argent des gens, pas pour la veuve et l'orphelin, pour financer yani, le terrorisme et d'autres activités de ce genre. Et ils prétendent que c'était juste pour... par exemple, que c'était juste pour aider les veuves et les orphelins, alors que c'est des mensonges. Donc, il ne faut pas se laisser tromper. Hein? Beaucoup de ces associations qui prétendent aider les gens, qui prétendent aider les pauvres et les orphelins et les gens qui n'ont pas de nourriture dans des pays du tiers-monde, en réalité, c'est des couvertures. C'est des couvertures, donc il ne faut pas se laisser tromper et berner par les beaux discours ou bien parler les belles images, hein, parce qu'il y en a maintenant, c'est des techniciens, c'est des spécialistes dans yani, là, l'infographie, puis toutes les, ils savent comment faire des belles images de publication, yani, des affiches, des belles affiches, des belles vidéos, hein, c'est tout yani, fait professionnellement. Et quand les gens voient ça, ils sont éblouis, hein, ils sont capables de rendre le faux, hein, yani, acceptable avec des belles images. Ils sont capables de rendre le faux comme si c'était quelque chose de beau. Allah musta'an. Donc il faut faire attention. Ensuite, le cheikh il termine cette réponse en disant wa in istaghnaytum bi ba'dikum ya ma'shar as-salafiyyin fa hadha aslam li dinikum wa 'irdikum wa hadha alladhi nuharridukum 'alayhi wa nad'ukum ilayhi wa uhibbu وأحب ما إلينا أن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع أهل البدع. Donc le cheikh il dit, si vous êtes capable de vous passer complètement de ces gens-là et d'interagir uniquement entre vous ou ceux qui êtes sur la salafia, eh bien ça c'est mieux pour votre religion, c'est mieux pour votre honneur, hein, et c'est ça ce qu'on vous incite à faire, et ça ce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on vous appelle à faire, et c'est plus c'est préférable pour nous que vous limitiez à vous-même, hein, et que vous passiez complètement des hizbiyyin et des harakiyyin et de toutes les différentes catégories de gens de bid'ah, hein. Donc ça c'est très important même dans les affaires de la dunya. Une autre question, la question numéro 4 qui a été posée au cheikh. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ كثر في الآونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود مع إهمال لطلب العلم وإذا قام أحد بتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم ويعني يمكن أن يصنف من أتباع فلان أو علان فما هو الضابط في ذلك وما توجيهكم في التعامل مع هؤلاء الشباب في هذه المسألة مع نصيحة عامة للشباب في طلب العلم. Donc la question numéro 4 qui a été posée au cheikh, hein, que Allah vous fasse du bien et que Allah vous bénisse. Un questionnaire pose la question suivante. Fadilatou Cheikh. Il y a beaucoup dans, il y a dans les temps, dans les derniers temps, il y a beaucoup de gens qui s'occupent et qui se préoccupent des cassettes et des livres de réfutation. Et en même temps, ils négligent la quête de la science. Donc, si quelqu'un se lève et oriente les jeunes en leur disant de chercher la science, il est possible qu'ils soient catalogués ou bien étiquetés comme faisant partie des suiveurs d'un tel ou d'un tel. Alors, quelle est la règle à ce sujet? Et quel est votre conseil dans la façon d'interagir avec ces jeunes dans cette question, tout en faisant également une nasiha générale aux jeunes vis-à-vis de la quête de la science? Alors le cheikh il dit: qaddamtu lakum barakallahu fikum ma yughni an ba'd ma ja'a fi hadha as-su'al wa 'araftum ma nasahtukum bihi min al-kutub wa ma hadhartukum minhu wa 'araftu لكم فيما قدمته لكم حد العلم الشرعي. والذي أزيده هنا أقول: الردود باب من أبواب الدعوة فيها نشر للسنة باب من أبواب الدعوة فيها نشر للسنة ودفع للبدعة وصيانة لأهل السنة من خطر المبتدعة. Donc le cheikh il dit, je vous ai donné dans les réponses précédentes des réponses, que Allah vous fasse la, que Allah vous bénisse. Je vous ai donné dans les réponses précédentes ce qui pourrait vous suffire, hein, et ce qui pourrait vous passer de certains de ce qui est mentionné dans cette question maintenant. Parce que je vous ai expliqué, yani, les livres à lire, et je vous ai averti des livres desquels vous devez vous éloigner. Ça, c'est dans les questions précédentes qu'on avait lues au dernier cours. Et il dit, je vous ai en même temps donné une introduction sur yani, je vous ai défini et je vous ai expliqué yani, les limites de la science, hein, de la science de la charia, et les définitions de la science de la charia, et ainsi de suite. Donc il dit, je vais vous rajouter maintenant certaines explications ici. Premièrement, les réfutations font partie des domaines de la da'wa et de la propagation de la sunna, et yani, du rejet et du fait de repousser la bid'a et de préserver les gens de la sunna du danger de des mubtadi'a. Donc les réfutations, c'est quelque chose qui est fondamental et que ça fait aussi partie de la da'wa, hein? Et le cheikh il dit: ولا أعرف عالما من أهل السنة فضلا عن الأئمة ينهى عن الردود أبدا لا ينهون عنها نهيا مطلقا بل ينهون نهيا مقيدا فإذا رأى العالم تلامذته أو أهل بلده تركوا الفقه في العقيدة والعبادة والمعاملة وانصرفوا إلى الردود فإنه يحذرهم ويقول لا تنشغلوا بالردود يعني لا تجعلوها شغلكم الشاغل فهو يريد أمرين. Donc on va traduire jusqu'ici. Ok, le cheikh il dit, je ne connais pas un savant parmi les savants de Ahl al-Sunnah, sans parler même des imams, qui interdisent de façon absolue les réfutations. Yani, je ne connais aucun savant qui fait ça, qui vont interdire les réfutations de façon absolue. Yani, que ce soit les réfutations ou les mises en garde. Hein? Donc, parce qu'il y a déjà aujourd'hui une catégorie de du'at qui sont apparus, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les mises en garde. Et ils attaquent les avertissements et les réfutations. Et pour eux, ça c'est la bête noire qu'il faut combattre à l'époque actuelle. Donc tout salafi, tout musulman salafi, alim ou da'ya qui met en garde et qui avertit contre les gens de bid'a, yani, ils vont yani, même mettre en garde contre lui, hein, avertir les gens contre lui, comme s'il était en train de faire un crime ou quelque chose de mal. Et ils vont dénigrer les ulama qui mettent en garde et qui font des réfutations, hein, comme si c'était des ennemis de la sunna, alors qu'ils sont en train de défendre la sunna et de combattre la bid'a. Hein. Donc il y a cette catégorie-là aujourd'hui. Donc ils prennent des paroles des ulama et ils les découpent et ils les postent, ils les rassemblent dans des postes et ils les envoient à tout le monde pour dire regardez ce que tel savant a dit à tel sujet sur la mise en garde ou sur la réfutation. Regardez ce que tel savant a dit sur le fait de faire des mises en garde et des réfutations. Et c'est des paroles qui sont prises dans un contexte bien spécifique et eux, ils les prennent comme si c'était des paroles générales et que ces savants-là étaient contre les mises en garde et les réfutations. Alors que certains d'entre ces savants même qu'ils citent sont des savants salafis qui eux-mêmes font des réfutations et des mises en garde contre les gens de bid'a. Donc c'est pour dire qu'ils prennent uniquement de ces savants qu'est-ce qui est en accord avec leur passion et ils laissent de côté les principes et les bases. Donc le cheikh il dit, je ne connais pas un savant parmi les savants d'Ahl Sunnah, et sans même parler des imams, parce que les imams c'est connu qu'ils mettent en garde et qu'ils font des réfutations. Donc il dit, je ne connais aucun savant parmi les savants d'Ahl Sunnah et encore moins des imams qui vont interdire les réfutations de façon absolue. Hein, qui vont interdire les réfutations de façon absolue. Il dit, mais ils les interdisent uniquement de façon qui est restreinte et limitée. Dans le sens que s'ils vont interdire ou s'ils vont dire à quelqu'un, ne t'occupe pas de, par exemple, des réfutations ou laisser de côté les mises en garde ou des choses comme ça, ils le font seulement, dans un sens limité ou restreint. Et le cheikh, il donne des exemples. Il dit, c'est comme si le savant va voir de ses élèves que, par exemple, dans son pays, il va voir que les élèves, les étudiants, se sont écartés ou ont délaissé la compréhension de la aqida, ou la compréhension de l'adoration, ou la compréhension des questions qui ont rapport avec les interactions, al-mu'amalat, et qui se sont tournés uniquement vers les réfutations, et qu'ils ont négligé le reste. Alors, dans ce cas-là, ce savant va les avertir, il va les mettre en garde, il va leur dire, ne vous préoccupez pas des roudoutes. Hein? C'est-à-dire, ne faites pas des roudoutes votre seule préoccupation. Et là, le cheikh, il dit, فَهُوَ يُرِيدُ أَمْرَيْنِ أَعْنِي هَذَا الْعَالِمَ السُّنِّي وَكَذَلِكَ الْإِمَامِ مِنْ بَابِ أَوْلَى يُرِيدُ مِنْ تَلَامِذَتِهِ وَمُحِبِّهِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَغَيْرِهِمْ والذين جمعت بينه وبينهم السنة والمحبة في ذات الله يعني تحابوا في ذات الله يريد منهم أمرين. Donc le cheikh il dit, ce savant là, quand il dit ce genre de choses, il veut deux choses. C'est-à-dire ce savant qui est sur la sunna, qui est sunni, ou encore plus si c'est un imam parmi les imams de la sunna, qu'est-ce qu'il veut de ses élèves et de ceux qu'il aime parmi les gens de son pays ou d'autres pays qui ont été réunis avec lui sur la sunna et sur l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut de ces gens-là? Il veut deux choses. La première chose, al-amru al-awwal at-tahsil al-ilmi. فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذروا من البدع وأهلها وفندوا شبه المبطلين وصانوا هذا الدين عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعاطفة وكذلك من ورثهم من أبنائهم وأحفادهم وإخوانهم على نفس النهج وذلكم حرصا على تحقيق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر به من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا مفهوم الحديث وهذا صحيح. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il veut cet imam ou ce cheikh quand il dit ou quand il avertit ou quand il dit à ses élèves de s'éloigner des réfutations, non pas de façon absolue mais de façon spécifique ou restreinte ou limitée, parce qu'il veut pour eux la quête de la science. Et donc il dit, si tu regardes les imams de la sunna qui ont averti contre les gens de bid'a et contre les bid'a elles-mêmes et qui ont détruit les shubuhat des gens de la fausseté et qui ont préservé cette religion-là et protégé cette religion-là contre les déformations des extrémistes et les déformations des faussaires et les fausses interprétations des ignorants, tu trouves qu'ils parlent uniquement avec science, non pas avec émotion. Et de même que ceux qui ont hérité d'eux parmi leurs fils, parmi leurs petits-fils et parmi leurs frères qui sont sur la même voie. Et ça, c'est parce qu'ils ont un intérêt, un désir ardent de voir se réaliser chez ces gens-là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit, celui qui, pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et les hommes de science ont dit, en partant de cette parole, que celui pour qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Et ça, c'est une compréhension du hadith qui est correcte et qui est authentique. C'est-à-dire que le hadith, il est vrai, de même que son contraire aussi. Donc, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion, et le contraire, c'est celui pour qui Allah ne lui veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Donc, ces savants-là, ils veulent du bien pour les gens, et ils veulent qu'ils acquièrent la connaissance de la compréhension de la religion. Deuxièmement, والأمر الثاني أن يأخذ من الردود بقدر فقط بحيث لا تشغلهم عن العلم. فأنتم تعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن من يتناول الردود ويطالعونها أصناف. Donc le cheikh dit, deuxièmement, qu'est-ce qu'il veut ce savant ou ces savants, qu'est-ce qu'ils veulent pour les étudiants lorsqu'ils leur disent ça? Ils veulent qu'ils prennent des réfutations, mais uniquement selon une mesure, selon une mesure qui est nécessaire ou qu'est-ce qui est important, dans le sens que ça va pas les distraire ou les préoccuper de la science et de la quête de la science. Donc, le cheikh dit, vous savez que les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, ils ont laissé en héritage, ils n'ont pas laissé en héritage de l'argent, des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé en héritage de la science. Et celui qui prend donc de cette science, de cet héritage, eh bien, il a pris la portion la plus importante, la plus bénéfique. Et ça, c'est le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Et donc, selon cela, le cheikh il dit, على هذا فإنما يتناول الردود ويطالعونها أصناف. Il dit, les catégories de gens qui prennent les réfutations et qui lisent les réfutations sont de différentes catégories. Les étudiants, les gens qui prennent les rudud, les réfutations, sont de différentes catégories. La première catégorie, il dit, صنفون عنده القدرة على الجمع بينها وبين مسائل العلم فهذا لا يرد وهذا يؤيد ويبارك له صنيعه ويشد أزره وما دام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها فهذا لا يثنى ولا يجوز أن يثنى. ما دام أنه يهمل الجانب العلمي التحصيل العلمي. Donc le cheikh il dit, il y a une catégorie parmi ceux qui prennent les réfutations qui ont la capacité de réunir entre les questions de la science et les questions de la réfutation. Ils sont capables de réunir les deux et de faire les deux. Il dit, celui-là, dans ce cas-là, il ne doit pas être rejeté. Il doit être supporté. Il doit être... Yani, on doit yani, demander la bénédiction pour ce qu'il fait. Et on doit le supporter. Parce qu'il a la capacité d'acquérir et d'obtenir les questions scientifiques dans leurs détails et dans leur façon, de façon générale, dans les petites questions comme dans les grandes. Donc, cette personne-là, tant qu'elle ne néglige pas l'aspect scientifique et la quête de la science, eh bien, il ne faut pas la critiquer ou parler, la décourager de ça. À la deuxième catégorie, من لا هم له في تحصيل المسائل العلمية بل مطالعة ما يجري في الساحة وفلان قال وفلان قال. فهذا الذي يعني يشدد يعني يشدد عليه ويشدد عليه ولا لا من باب أنه ركب بدعة ولكن من باب مصلحته هو، فيقال أنت أهملت أمرا أكبر من هذا. فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها وكانوا جبالا ويرثهم هذا لم يكن لدينا علم. هل يرثهم الجهال يا أبنائي؟ هل يصلح الجهال بعدهم لرئاسة الناس وقيادة الناس وهداية الناس؟ أبدا. هؤلاء يضلون ويضلون. فمن هذه الناحية نشدد على أخينا هذا ويقال له اتق الله، أنت جعلت وقتك كله أو جله في هذه الردود، وكان يكفيك أن تعلم من الإمام بأن أن تعلم بأن الإمام فلان أو العالم فلان رد على فلان من الناس وكشف عن حاله وهتك ستره لما هو راكب إياه من البدعة والضلال، يكفيك هذا. Donc, le cheikh il dit, la deuxième catégorie de personnes qui s'attardent aux réfutations, c'est celui qui n'a d'intérêt que pour ça. Il n'a d'intérêt que pour les réfutations et il néglige totalement la quête de la science. Il veut juste savoir qu'est-ce qui se passe sur la scène, sur le terrain. Un tel a dit, un tel a dit. Il dit, celui-là, c'est celui-là avec qui il faut être dur. Non pas parce qu'il a fait une innovation, non pas parce qu'il a fait quelque chose qui est mal, mais pour son bien à lui. Donc, on lui dit, tu as négligé quelque chose qui est plus grand que qu'est-ce que tu te préoccupes à faire. Et donc le cheikh il dit donc que si les savants qu'on a aujourd'hui, les grands imams, ceux par qui Allah subhanahu wa ta'ala a repoussé la bid'a et les gens de bid'a, et qui étaient des montagnes, qui étaient des montagnes dans la science et qui ont réfuté les gens de bid'a, quand ils vont partir et quand ils vont mourir, est-ce que ce sont eux qui vont être capables de les d'hériter d'eux et que les gens vont prendre d'eux la science? Yani, comment ils vont faire pour hériter des savants s'ils n'ont pas pris la science des savants? Et donc, est-ce que c'est les ignorants qui vont hériter de ces savants-là, ô mes fils? Le cheikh il dit, les ignorants ne pourront pas être capables de prendre la tête des gens et de les orienter et de les guider après la mort de ces savants-là. Les savants, est-ce que les ignorants sont capables de prendre la tête des gens et de les guider, de les orienter? Non, jamais. Il dit, ceux-là plutôt vont égarer les gens, ils vont s'égarer eux-mêmes. Ils vont s'égarer eux-mêmes et vont égarer les gens. Donc ça, c'est de ce, sur ce point de vue-là. Donc on doit être dur envers ce frère. Hein? On doit être sévère avec lui, en lui et on doit lui dire « Crains Allah, tu as pris tout ton temps uniquement pour les réfutations, alors qu'il était suffisant pour toi de savoir que tel imam a parlé ou que tel savant a parlé et a réfuté un tel parmi les gens. Et il a dévoilé son état et il a enlevé son voile, hein, pour que les gens sachent sa situation et sa réalité. Et les gens, donc après que le savant l'a réfuté et a clarifié son état, maintenant on sait ce qu'il a comme bid'a et comme égarement, et ça c'était suffisant pour toi. Hein? Exactement. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh explique. Maintenant il continue. Il dit wa aqulu lakum ana shakhsiyan wallahi ma qara'tu بكل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ جميع علماء الإسلام والسنة بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات يعني ما قرأت كتب الشيخ يعني ما كتبه الشيخ ربيع ما قرأ كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب والله ما قرأت كله أبدا لكن فهمته قرأت بعده ففهمت البقية لأن الشيخ ربيع عندي صاحب راية يرفع بها لواء السنة ويذب عنها وعن أهلها فما رفعها ولله الحمد في وجه محارب معادي للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة مؤزرة قوية ما لانت ولا هانت وقد فضح بها ولله الحمد أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال فكفاني أن الشيخ ربيع رد على فلان وأن الشيخ محمد بن عثيمين رد على فلان كفاني لشيخ الزي et je vous dis moi personnellement, c'est le cheikh Ubayd al-Jabiri qui dit ça, il dit, je vous dis par Allah, moi personnellement je n'ai pas lu tout ce que cheikh Rabi a écrit, que Allah le préserve et préserve tous les ulama de l'islam et de la sunna, hein, et qu'il les préserve avec l'islam et la sunna dans cette vie et après la mort. Il dit, je n'ai pas lu tout ce que cheikh Rabi a écrit de livres contre Sayyid Qutb. Hein? Il dit, par Allah, je jure que je n'ai pas tout lu ce qu'il a écrit sur Sayyid Qutb. Jamais. Sauf que je l'ai compris. Il dit, j'ai lu une partie, et le reste, je l'ai compris tout seul. Parce que, il dit, pour moi, Cheikh Rabi, c'est quelqu'un qui tient une bannière, et qui élève la bannière de la Sunna, et qui la défend, et qui défend les gens de la Sunna. Hein? Et quand il dit ce que yani fama rafa'aha walillahi alhamd fi wajhi muharib al-dam. Donc lorsque Cheikh Rabi a levé la bannière de la sunna, hein, il dit par la grâce d'Allah, quand il a levé cette bannière au visage de ceux qui opposent et qui font la guerre à la sunna, eh bien elle est revenue une bannière victorieuse, hein, supportée et forte. Elle ne s'est pas affaiblie, hein, et n'a pas non plus été affaiblie. Et Cheikh Rabi, par ces réfutations-là, et par cette bannière que Cheikh Rabi a élevée, eh bien, les gens de bid'a et les gens d'égarement ont été complètement démasqués. Et ils ont été, on a vu le vrai visage, hein, scandaleux qu'ils ont, par la grâce d'Allah. Et les têtes et les chefs déjà de bid'a et de l'égarement ont été démasqués. Alors, il dit, pour moi, la réfutation de Cheikh Rabi, elle est suffisante contre un tel individu. Hein, si Cheikh Rabi, il a réfuté un individu en particulier, il dit, ça me suffit pour moi. de savoir qu'il l'a réfuté. Je sais que c'est, hein, que c'est clair. Et la même chose, si je sais que Cheikh Mohamed ibn Uthaymeen a réfuté un individu, il dit ça me suffit, c'est suffisant pour moi. Après le Cheikh, il dit il y a une troisième catégorie. Hein? La troisième catégorie de personnes par rapport aux réfutations, hein? Il dit الصنف الثالث من لا يدري عما يجري فهذا نكون معه ونطلعه على ما واجه به علماء السنة أساطين الضلال وأساطين الضلال وأئمة البدع حتى يكون على بصيرة ولا يؤتى من غرة هذا هو المنهج الصحيح بارك الله فيكم. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie c'est la personne qui ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, hein? Donc celui-là il faut être avec lui et il faut lui faire voir, hein, ce que les ulama de la sunna ont fait comme affrontement avec les gens de l'égarement et les imams de la bid'ah, pour qu'il soit avec une bonne compréhension et pour qu'il ait la connaissance de ce qui se passe et pour pas qu'il ne se fasse tromper. Hein? Donc ça c'est la méthodologie correcte. Barakallahu fikum. Le cheikh il dit wa u'tikum mithalan. Al-Sheikh Mohamed ibn Uthaymeen rahimahullah wa huwa man ta'lamunahu lamma su'ila 'an كتب سيد قطب قال أنا لا أدري عنها ما قرأت له كثيرا قرأت أول الأمر إن كنت في الشباب ومرة قال كفانا فيها أخونا الشيخ ربيع أحالك فهمتم أحالك وآخر أمره قال رحمه الله لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب. Donc le cheikh il dit je vais vous donner un exemple. Il dit Cheikh Mohamed ibn Uthaymeen rahimahullah, et vous savez qui il est, hein? Vous savez comment il était un grand savant. Lorsqu'on lui a posé la question à propos des livres de Sayyid Qutb au début, il a dit je ne les connais pas ces livres, je ne les ai pas lus beaucoup, hein? Il dit j'ai lu un peu de ces livres lorsque j'étais jeune, et une autre fois quand on lui a posé la question plus tard, il a répondu en disant à propos des livres de Sayyid Qutb, il a répondu en disant kafana fiha akhuna al-Sheikh Rabi', c'est-à-dire le Sheikh Rabi', hein, nous a, yani, il s'en est occupé de façon suffisante. Notre frère, Cheikh Rabi', il s'en est occupé de façon suffisante. Yani, il nous en a épargné, hein, de devoir travailler sur ça. Donc, il te réfère à Cheikh Rabi'. Cheikh Mohamed ibn Uthaymeen, rahimahullah, il réfère les gens, à propos de cette coutume, il réfère les gens à Cheikh Rabi'. Donc, vous avez compris? Hein, il réfère les gens à Cheikh Rabi'. Et à la fin, il a pris une position claire, rahimahullah, et il a dit, si ce n'était de la piété, hein, on aurait déclaré le kufr de Sayyid Qutb. Si ce n'était de la piété, hein, yani, on aurait dit que Sayyid Qutb est dans le kufr. Et le Cheikh Umayd, il dit, « Haddathani biha » حدثني بهذا وأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري عرفتم اسمي وإلا لا عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا حفظ الله الجامعة الإسلامية وجامعات أهل الإسلام وصانها من كل مكروه أنا أقول حدثني الدكتور عبد الله ابن زيد المسلم من أهل عنيزة بهذا الخبر فأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثني عبد الله ابن زيد المسلم وقد فهمتم الخبر. Donc le cheikh il dit que celui qui m'a informé de ça, donc il dit vous pouvez dire hein, que le cheikh Ubayd al-Jabiri, hein, vous savez mon nom, n'est-ce pas, Ubayd, fils de Abdullah, fils de Sulayman al-Jabiri, celui qui enseigne à l'université islamique, qui enseignait précédemment à l'université islamique, que Allah préserve l'université islamique et toutes les universités des gens de l'islam et des musulmans dans le monde entier, et qu'il la préserve de tout mal. Et je vous dis, hein, donc vous pouvez répéter, le cheikh Ubayd al-Jabiri, le cheikh Ubayd al-Jabiri a dit que le docteur Abdullah ibn Zayd al-Musallam, des gens de la ville qui fait partie des gens de Unayza, la ville de Unayza, il nous a informé que le cheikh Mohammed ibn Uthaymin a dit لَوْلَ الْوَرْعَ لَقُلْنَا بِكُفْرِ سَيْدْ قُتُبْ. Donc vous pouvez rapporter ça de moi, hein? Vous avez compris l'information, c'est-à-dire, donc le cheikh il dit, vous pouvez rapporter que le cheikh Ubayd al-Jabiri, hein, hafizahullah, a rapporté du docteur Abdullah ibn Zayd al-Musallam de Unayza qu'il a dit que le cheikh, hein, que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin lui a dit rahimahullah, لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب. الورع ça veut dire la piété. Donc si ce n'était pas de la piété, on aurait dit que سيد قطب est tombé dans le coffre, ou qu'il était dans le coffre. Et là, parce qu'il a des paroles dans ses livres qui sont graves, comme Wahdatul Wujud, ça c'est coffre, hein. Il y a beaucoup d'autres graves égarements dans son tafsir et dans ses autres livres aussi, hein, l'insulte des sahaba et ainsi de suite. Donc Allah musta'an. Donc le cheikh dit fal maqsoud ana anhaakum ya abna'i an ash-shatat, anhaakum an ash-shatat wa amurukum bir-rifqi. فمن نهاني عن الاشتغال بالردود وترك المسائل العلمية أنا لا أشتط عليه ولا أشتط عليه لا أشتط عليه إذا عرفت أنه من أهل السنة أعرف أنه يريد نصحي ويريد أن أحصل أبوابا من العلم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que je veux dire maintenant? C'est que je vous interdis, oh mes fils, je vous interdis de l'abus, contre l'abus. Hein? Je vous interdis de tomber dans les abus, dans les excès. Et je vous ordonne la douceur. Et si quelqu'un vous interdit, ou si quelqu'un m'interdit de me précipiter ou de me préoccuper uniquement des réfutations et qui m'avertit d'abandonner les questions de la science, eh bien, je ne vais pas abuser contre lui. Je ne vais pas abuser contre lui. Hein? Parce que je sais que s'il fait partie des gens d'Ahl Sunnah, il me veut du bien, il veut mon conseil. Hein? Il veut que je recherche les différentes questions de la science. Na'am, le cheikh dit na'am, Ahlul Bida' هم الذين ينهون عن الردود نهيا مطلقا. اتركوا الردود. دعوا عنكم الردود. فيها مضيعة للوقت. وفيها مشغلة عن العلم نهيا مطلقا. لكن أهل السنة لا ينهون نهيا مطلقا. وإن قال هذه العبارة مطلقا في وقت، لكن جل وقته أو أكثر وقت من وقته يريد هذا. نعرف هذا من حاله ومقاله. Donc le cheikh il dit oui. Il dit oui, les gens de Bid'a, ce sont eux qui interdisent de façon absolue les réfutations. Ils disent aux jeunes, abandonner les réfutations, laisser tomber les réfutations, laisser les réfutations, ça fait, c'est une perte de temps. C'est quelque chose qui va vous distraire de la science. Et ils l'interdisent de façon absolue. Hein, il y en a même qui vont dire, par exemple, que ça va durcir les cœurs. Et que ça va rendre les cœurs durs. Hein, des choses de ce genre. Ça, les ulama, ils ont réfuté ça. Donc, le cheikh, il dit ça, c'est les, ceux qui font ça et qui interdisent les réfutations de façon absolue, sont les hizbiyyin et les gens de bid'ah. Hein, parce qu'ils veulent pas que les gens connaissent la réalité sur eux. Et donc, ils interdisent les gens, de façon absolue, de lire les réfutations et les mises en garde. Parce qu'ils veulent pas que les, ils veulent pas que les gens connaissent leurs égarements, connaissent leurs fautes. Donc, ils préviennent les musulmans des réfutations et des mises en garde pour, justement, pouvoir continuer à égarer les gens. Le cheikh, il dit ensuite, mais les gens de Ahl Sunnah, eux, ils n'interdisent pas les mises en garde de façon absolue. Même si, parfois, ils peuvent dire cette expression-là ou cette parole-là dans un moment spécifique de façon absolue, mais yani, ils veulent dire dans le sens de ne pas prendre tout son temps ou la plus grande partie de notre temps à se préoccuper de ces choses-là. Mais il ne veut pas l'interdire de façon absolue. Et ça, on peut le savoir par son état et par sa parole. Hein? Même par exemple, Cheikh Al-Fawzan, combien de fois il dit aux jeunes, hein, laissez les réfutations, concentrez-vous sur la science, apprenez la science. Et puis, dans d'autres contextes, tu le vois lui-même en train de faire des réfutations, réfuter les gens de bid'ah, clarifier les choses pour les gens, expliquer aux gens le manhaj de Ahl Sunnah, clarifier l'égarement des hizbiyyin et des takfiriyin et des gens de bid'ah. Hein? Donc c'est pour comprendre. Quand tu vois qu'un savant fait ça, c'est pas parce qu'il se contredit. Hein? C'est pas parce qu'il se contredit. C'est parce que dans un contexte, c'était le temps de dire ça, et dans un autre contexte, c'était le temps de dire ça. Et c'était le temps de clarifier. Mais il faut pas mélanger les choses. Hein? Il n'y a pas un savant, comme Cheikh Omed il dit, il n'y a pas un savant qui interdit de façon absolue les réfutations et les mises en garde. Donc, si tu vois quelqu'un qui a une maladie et qui déteste les mises en garde et les réfutations, ça veut dire qu'il y a un problème chez lui. Parce que les savants, ils ne détestent pas ça, au contraire. Hein, il y en a qui ont fait ça seulement. Cheikh Ibn Taymiyyah, la plupart de ses livres, c'est ça. Sauf que, il a fait la quête de la science. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, tu lui poses des questions dans le divorce, dans le mariage, dans l'héritage, dans yani les hudud, dans le fiqh, dans la zakat, dans n'importe quel domaine de la science, dans la tahara, la purification, n'importe quoi. Tu lui poses cette question et il te répond. Parce qu'il a étudié tous les domaines de la science, tous les chapitres de la science, il les a maîtrisés. Et il les a étudiés avant de tomber dans les réfutations. Il n'a pas dit, bon, moi, ça y est, je vais juste faire des réfutations comme ça au début de son apprentissage. Hein, il a commencé par la science. Et il a appris la science. Et lorsqu'il a fini d'apprendre la science, hein, là, yani, il s'est consacré à la défense des fondements de la religion et la réfutation des égarements et des gens de bid'ah et des égarés. Donc ça, c'est un point important. Le cheikh, il dit, cheikh Umayyad, il continue, il dit, فَمَثَلًا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما يقول لتلامذته أهل بلده وأهل بلده والمسلمين لا تنشغلوا بالردود حاله ما هو حاله على السنة يقررها ويدعو إليها ويدفع عن أهلها بقدر ما أوتي وقرينة الحال تدل في الحقيقة على المقال تدل على المراد من المقال فإذا قال لك إخواني بنائي أو إخواني سروري قطبي أو تبليغي لا تشغلوا أنفسكم بالردود إن هذه الردود مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم فضع عليه علامة كبيرة ماذا يريد هذا منك يريد أن يروج للبدعة ويمهد لنشرها وتضليل أهل السنة Donc, le cheikh, il dit, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, lorsqu'il dit à ses élèves, ou les gens de son pays, ou aux musulmans en général, ne vous préoccupez pas des réfutations, c'est quoi son état? Regardez son état. C'est quelqu'un qui, son état c'est quoi? C'est qu'il est sur la sunna, et qu'il confirme la sunna, et qu'il appelle les gens, et qu'il invite les gens à la sunna, et qu'il défend les gens de la sunna, avec tout ce qu'il a comme capacité. Hein? Et donc, on peut voir par les indices qui entourent la réalité de cette parole. La réalité de cette parole, lorsque quelqu'un dit « Ne vous préoccupez pas des réfutations. Hein? Ne vous attardez pas des réfutations. » On peut comprendre ce qu'il veut dire. Toutefois, ça c'est pourquoi? Parce que ça c'est Cheikh Ibn Uthaymeen et on voit ce qu'il a. On voit sur quoi il se tient. On voit ce qu'il suit. Maintenant, regardez un autre exemple. Maintenant, un Ikhwani qui suit Hassan al-Banna ou un Ikhwani qui suit le manhaj de Mohamed Surour ou bien de Sayyid Qutb, hein, qui est un Sururi, un Qutbi, hein, ou bien un Tabliri, hein, ils vont vous dire laissez tomber les réfutations, laissez de côté les réfutations, hein, ces réfutations c'est une perte de temps et ça vous écarte et ça vous occupe de la quête de la science. Alors le cheikh dit, quand tu vois ces gens-là dire ça, mets un gros point, hein, d'interrogation. Parce que qu'est-ce qu'il veut de toi, celui-là? Il veut propager sa bid'ah. Et il veut, hein, préparer les bases pour être capable de t'égarer et d'égarer les gens de la sunna. C'est ça ce qu'il veut. Après le cheikh, il dit, « Fabana bihada » أن الناهين عن الردود صنفان من الناس صنف من أهل السنة وهؤلاء لا ينهون عنها نهيا مطلقا وصنف آخر هم أهل البدع وهم الذين يطلقون وأهل السنة وأهل البدع نعرفهم نعرف الإخوان المسلمين نعرف التبليغيين نعرف السرورية القطبية ونعرف المتحزبة نعرفهم فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء نعرفه هذا يعني فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء نعرفه هذا ليس له عندي كرامة ولا مكانة أنا منتهي منه لكن من كان من أهل السنة وعلى ما أنا عليه فإن مراده واضح بارك الله فيكم مراده واضح. Donc le cheikh il dit, donc on peut comprendre clairement maintenant avec qu'est-ce qu'on a expliqué, que les gens qui interdisent les réfutations sont de deux catégories parmi les gens. La première catégorie, ce sont les gens de la sunna, et eux ils ne l'interdisent pas de façon absolue, hein? Ils n'interdisent pas d'une interdiction absolue de se préoccuper des réfutations, mais uniquement partielle ou temporaire, hein? Pour pas qu'on exagère dans ce domaine-là puis qu'on délaisse le reste qui est important aussi. Et une autre catégorie qui sont les gens de bid'ah qui interdisent les réfutations, et eux ils interdisent de façon absolue et générale. Donc il dit les gens de bid'ah, on les connaît, on connaît les ikhwan al-muslimin, on connaît les gens de tablir, on connaît les Sururiyya, les Qutbiyya, qui sont les Ikhwan, hein, mais qui se donnent l'apparence des Salafis, hein, mais qui sont des Ikhwan en réalité dans leur manhaj, qui appellent aux révolutions, aux manifestations, aux coups d'État, qui appellent ou qui incitent à rentrer dans les élections, et yani, qui font le takfir des dirigeants, qui s'approchent des gens de bid'ah et des Hizbiyyin, et qui aiment les gens de bid'ah et qui détestent les Salafis. Ça, c'est la meilleure description des Sururiyya. C'est ça leur réalité. Et ils prétendent aimer les grands savants, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen. Mais en même temps, ils aiment toutes les têtes de la Hizbiyya. Et quand tu les vois, ils mentionnent qui ils écoutent. Eh bien, ils écoutent que des têtes de la Hizbiyya parmi les gens de Takfir, parmi les gens de Ikhwan, et ainsi de suite. Et ils respectent les gens de Bid'ah. Mais ils détestent les salafis et les ulama salafis qui mettent en garde contre les mubtadi'a. Donc ça, c'est leur caractéristique. D'un côté, ils défendent, ils disent qu'ils respectent les grands imams, mais de l'autre côté, ils les traitent de mourdiers ou ils les dénigrent. Ils disent que ils connaissent rien, c'est des savants des palais ou des choses comme ça. Ça, c'est la réalité de ces gens-là. Donc, ceux-là, on les connaît. On connaît ces gens-là, ces hizbiyyid-là. Et si celui qui t'interdit les réfutations fait partie de ceux-là, hein, donc il dit, ceux-là, pour moi, ils n'ont droit à aucun respect et aucune place, aucun respect, aucun statut. Hein, et j'ai fini avec lui. J'ai fui avec lui. Mais si c'est quelqu'un qui fait partie de Ahlus Sunnah et qui me dit, fais attention, prends pas tout ton temps dans les réfutations, il dit, regardez, si c'est des gens de l'Ahlus Sunnah qui disent ça, eh bien dans ce cas-là, la question est claire et je sais très bien ce qu'il veut dire par là. Hein? Donc il faut comprendre qu'il y a ces deux catégories parmi les gens qui parlent contre les réfutations. Et il faut donc savoir distinguer entre les deux. Et la façon de distinguer entre les deux, c'est de les connaître. Connaître les gens de la Sunna et de connaître les gens de la Bid'a. Donc, il y a une catégorie des Hizbiyyin et des gens de Bid'a. Eux, quand ils veulent prouver quelque chose ou supporter quelque chose parmi leurs idées, c'est clair que ce sont des Hizbiyyin et des gens de Bid'a parce qu'ils citent uniquement des Hizbiyyin et des gens de Bid'a. Quand ils vont parler, ils vont se référer à leur chouyoukh. À leur chouyoukh de Bid'a. Donc, on les reconnaît tout de suite facilement. Et il y en a une autre catégorie, c'est des gens qui se disent salafis et qui essaient de référer les choses qu'ils disent et ramener les choses qu'ils disent aux paroles des ulama de Ahlus Sunnah et aux salafis. Donc, ils cherchent dans les paroles des salafis et des ulama salafis des choses qui peuvent ressembler à ce qu'ils veulent dire, qui parfois est différent ou qui ressemble à c'est-à-dire des paroles qui peuvent être différentes dans certains points, mais parfois qui ont certaines ressemblances sur certains facteurs ou certains éléments. Donc, ils utilisent cette shubha et ils vont citer les paroles des ulama pour dire, regardez, hein, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, parce que tel sheikh a dit ça, parce qu'ils prennent juste une partie et ils laissent le reste. Soit ils coupent la parole, ou ils la citent hors de son contexte. Hein. Ou bien ils prennent une parole qui a été dite dans un endroit ou dans un contexte spécifique et ils vont l'appliquer dans un autre contexte totalement différent pour défendre leur bid'a et pour défendre les gens de bid'a. Hein? C'est comme par exemple, Cheikh Rabi', hafizahullah, à un certain moment donné, il a averti certains jeunes, hein, et certains salafis de, par exemple, certains comportements ou certaines attitudes. Donc, quand il voit que Cheikh Rabi' commence à critiquer certains comportements ou certaines attitudes de la part de certains jeunes, ils prennent cette parole et là ils la distribuent partout dans le monde entier, sur tous les sites internet, tu les vois en train de diffuser parce que c'est en accord avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent. Hein? Mais pourtant les autres paroles, les autres explications et les autres réfutations de Cheikh Rabi, ils ne les propagent jamais. Pourquoi? Parce que c'est uniquement ça ce qu'ils veulent. Ils voulaient seulement ce point-là, pourquoi? Pour justifier la défense de leur, hein, de leurs idées, de leurs principes, de leurs personnes qu'ils suivent, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on trouve de la part de ces gens-là, Allah al-Musta'an. Et là, est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Non, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On s'arrête à la question numéro 5. Demain, Inch'Allah, on va faire la question numéro 5 et ce qu'on peut par la suite. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et à demain pour la suite إن شاء الله